elles ont eu. Et maintenant elles disent enquête encore. Et comme Marlo mon regard est vide, y'a comme un hic, je recompte encore. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Le flingue est nettoyé. Un peu plus de balles dans le chargeur, un peu plus de papier. La haine dans mon hood n'a pas changé. La haine dans mon hood n'a pas changé. Et comme les bleus, tout ce qui est bleu est étranger. Je suis dans la cabine téléphonique. Crame pas mon blaze, toi tu pénables. J'ai pas confiance en ces schlags. T'en as sur le nez, toi tu fais quoi? Le ramène la patronne. Garde le cheeseburger. Le code c'est 187. Je le connais par cœur. Je sors du toit ouvrant. J'ai ligoté ma paire. J'ai laissé parler les cartouches. On m'arrête dans le secteur. Et je contrôle toujours le raté, ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Bardet. Fais compter la machine à billets, fais chauffer la cuillère. Je sens comme Bardet. Et je contrôle toujours le raté, ça n'a pas changé depuis. Je sens comme Bardet. Fais compter la machine à billets, fais chauffer la cuillère. Je sens comme Bardet. Je me sens comme Bardet. Je me sens comme Bardet. Je me sens comme Evan, Evan, Evan, Evan Bardet. Je me sens comme Bardet. Je me sens comme Bardet. Je me sens comme Evan, Evan. Les mauvais payeurs se font plomber. Et les junkies font des OD. Je faisais de la monnaie quand tu dormais. Quand tu t'es réveillé, tu m'as vu compter. Langage côté bel et cocondé. Langage côté bel et cocondé. Elle est conditionnée, c'est le fané. Je suis déjà dans les flammes comme un pompier. Les petites tirs dessus. Fais pas le mec tendu. Quand ça te pousse des lits, pourquoi tu réponds plus? Flag automatique, voiture manuelle. Toujours plus de bénéfices que la veille. Tous les jours, c'est le jour de paye. Tous les jours, c'est le jour de paye. Et je contrôle toujours le raté, ça n'a pas changé depuis. Je me sens comme Bardet. Fais compter la machine à billets, fais